Pendant ce temps-là, au deuxième étage de la Sorbonne, une dizaine d'étudiants attendent devant un bureau. Un jeune homme arrive. C'est Jean-Pierre Bourdon. Il examine la situation et tout de suite se dirige vers la tête de la file. Il s'approche d'une jeune fille brune qui porte une robe violette. Tiens, c'est vous. Qu'est-ce que vous faites là? Comment ça va depuis l'an dernier? La jeune fille le regarde étonnée. Comment vous ne me connaissez pas? Mais si, voyons, rappelez-vous l'été dernier à Saint-Tropez. Moi, à Saint-Tropez? Impossible. D'abord, j'ai au Havre de Saint-Tropez. Les nanas, les fils à papa et les yachts, c'est vraiment pas mon genre. Et puis je déteste l'été. Je passe tous mes étés en Patagonie. C'est l'été, là-bas, c'est l'hiver. Élémentaire, mon cher Watson. Vous voyez, votre truc avec moi, ça marche pas. Pendant ce temps-là, au deuxième étage de la Sorbonne, au deuxième étage de la Sorbonne, une dizaine d'étudiants attendent. Ils attendent. Que font les étudiants au deuxième étage de la Sorbonne? Ils attendent. Un jeune homme arrive. Et il se dirige vers la tête de la file. Il se dirige vers la tête de la file. Que fait le jeune homme qui arrive? Il se dirige vers la tête de la file. Il s'approche d'une jeune fille brune qui porte une robe violette. Une jeune fille brune qui porte une robe violette. Il s'approche d'une jeune fille brune qui porte une robe violette. De qui est-ce qu'il s'approche? D'une jeune fille brune qui porte une robe violette. C'est vous? C'est vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes à Paris, à la Sorbonne, et vous rencontrez une amie. Vous êtes étonnée. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne me reconnaissez pas? Vous ne me reconnaissez pas? Mais si, voyons! L'été dernier... L'été dernier, à Saint-Tropez, à Saint-Tropez. D'après Jean-Pierre, où et quand a-t-il rencontré la jeune fille brune? L'été dernier, à Saint-Tropez. J'ai horreur de Saint-Tropez. J'ai horreur de Saint-Tropez. Je passe tous mes étés en Patagonie, en Patagonie. Je passe tous mes étés en Patagonie. Parce que l'été, là-bas, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. L'été, là-bas, c'est l'hiver. Pourquoi la jeune fille brune ne va-t-elle jamais à Saint-Tropez? Parce qu'elle a horreur de Saint-Tropez. Où passe-t-elle tous ses étés? En Patagonie. Pourquoi? Parce que l'été, là-bas, c'est l'hiver. Vous voyez, hein, votre truc, avec moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Votre truc, avec moi, ça ne marche pas. Est-ce que le truc de Jean-Pierre marche avec cette jeune fille? Non, ça ne marche pas.